Le docteur Roubinoff, de Chaim Potok. Traduction, Martine Leroy-Battistelli. Feuilleton en 5 épisodes. Une réalisation de Michel Sidorov. 3e épisode. Grâce au docteur Roubinoff qui lui a fourni de faux papiers, Kalman a pu quitter Petrograd et retourner chez lui en Ukraine. Mais c'est pour découvrir que son village a été entièrement massacré par les soldats de l'armée blanche. Il s'enrôle alors dans l'armée rouge. Il est nommé chef de troupe pour combattre les troupes blanches polonaises, puis réaffecté dans une unité de ravitaillement afin de réquisitionner les récoltes des paysans. S'étant brillamment acquitté de sa mission, Kalman, rebaptisé Leonid Chertov par un officier bolchévique, a alors été envoyé dans une école très spéciale. L'école était logée dans une bâtisse en pierre construite sur un vaste terrain clos et boisé, aux alentours de Moscou. Environnée de grands pins sévères, de chênes et d'épicéas, près d'un étang gelé et loin des regards indiscrets, nous étions 22 qui étudions les multiples faiblesses de l'âme et du corps humain. Jour et nuit, nous nous exercions aux pratiques rigoureuses de l'enquête, de l'arrestation, de l'interrogatoire, de l'art d'obtenir des aveux par la persuasion, ainsi qu'aux méthodes propres à provoquer le désarroi et la stupeur, à ajouter de la terreur à la terreur. Des instructeurs exigeants, sans être brutaux, nous montrèrent comment nous servir d'un bâton, d'un fouet, d'une matraque et autres instruments similaires. Tout cela nous était enseigné d'une manière très professionnelle et nous travaillions d'arrache-pied pour maîtriser ces diverses techniques. Pour autant que je pouvais le voir, personne parmi nous n'aurait pu être qualifié de sadique. Nous dormions à 3 ou 4 par chambre. Nous faisions beaucoup de sport et nous entraînions au maniement des armes, assez peu, car on disait qu'il y avait pénurie de munitions. Nous n'avions pas le droit de sortir de l'enclos. Dans la soirée, nous disposions d'une heure de liberté et j'allais souvent me promener seul dans la forêt. Les grands arbres touffus, les chênes, les épicéas et les pins couverts de neige dressaient vers le ciel leur pure et majestueuse verticalité, comme pour désigner je ne sais quel espoir, au-delà de la terre, de la tombe, des souffrances et des terribles épreuves de la patrie. Il semblait dire qu'il existait autre chose que cette vallée de ténèbres, que ce combat sanglant qui devait apporter l'égalité aux travailleurs du monde entier. Tout en marchant sur la glace du lac gelé, je pensais aux femmes qui lavaient leur linge sous les saules, dans les eaux sombres de notre étang. Disparues. Disparues. Toutes disparues. Dans le néant d'une fosse commune. Il me devait un dédommagement, ces assassins de mon passé, ces ennemis de la Révolution, ces meurtriers de ma famille qui avaient détruit mon village. L'hiver fut long et rude. Des vents déchaînés, de la neige épaisse, un ciel couvert et brumeux, et le froid, le froid. Souvent des bruits filtraient dans l'enceinte du parc, cheminaient par les couloirs et parvenaient à nos oreilles. Des révoltes paysannes dans le sud, la famine au cœur même du pays, Lénine gravement malade. Un nom circulait, Zinoviev, le chef du parti de Petrograd, qui avait envoyé des élèves officiers pour réprimer les émeutes de la faim survenues dans la ville, parce qu'il ne faisait pas confiance à l'armée rouge pour exécuter cette sale besogne. Zinoviev. C'était le nom, la signature figurant sur la lettre que le docteur Roubinoff m'avait remise à Petrograd. Mais peut-être ces troubles s'étaient-ils produits avant? Je me souviens en tout cas que le nom de Zinoviev avait bien été prononcé à propos de je ne sais trop quoi pendant mon stage. Le jour de la mort de Lénine, en janvier 1924, les personnes que je croisais dans mon immeuble, j'habitais maintenant au 3e étage, et dans les bureaux, avaient toutes l'air tristes et parlaient à voix basse. Personne ne pleurait. On m'appela au téléphone pour me dire que j'allais devoir prendre le commandement d'une équipe de sécurité pendant le déroulement des funérailles. Même par rapport à nos normes, il faisait ce jour-là inhabituellement froid. Comme si la nature voulait participer à notre deuil, en privant l'univers de toute chaleur. Il y avait une foule immense, respectueuse. Nous restâmes debout à nous geler durant des heures, tandis que les sirènes des usines ululaient et que les canons tonnaient. Le cercueil de Lénine passa tout près de moi. Je ne comprenais pas pourquoi on l'avait embaumé, pourquoi on en avait fait une relique sacrée, par des injections d'alcool, de glycérine et de formol, afin de le conserver comme un objet de culte, alors que partout, on démolissait les églises, on détruisait les reliques, on confisquait les icônes et les trésors ecclésiastiques. Je m'étonnais de l'absence de Trotsky. Serait-ce lui notre prochain leader ? Staline était l'un des porteurs du cercueil, et je pus donc le voir de près. À peine un peu plus d'1m60, le visage cireux et grêlé, une crevasse sous l'œil droit, le bras gauche atrophié. Avec ses yeux fendus et jaunâtres, il ressemblait à un chat. Et ses marques de variole. Au cours de l'offensive manquée contre la Pologne, mon chef de brigade avait parlé à plusieurs reprises d'un camarade, le grêlé. Je ne savais pas grand-chose des intrigues politiques qui se tramèrent alors au sein du Politburo. Je me souviens, bien entendu, que Trotsky fut exilé un peu plus tard, et que vers le milieu de l'année 1927, Staline tenait tout le pouvoir entre ses mains. Pendant ce temps, je prenais du galon, et pus finalement m'installer au 5e étage d'un gigantesque immeuble neuf, avec de grandes portes d'entrée en bois, un hall de marbre, et une cour intérieure pourvue de bancs. Un ascenseur me montait jusque chez moi. J'avais énormément de travail, et je le faisais avec beaucoup d'efficacité. Mon bras gauche était capricieux, il lui arrivait de s'engourdir. Pour ne pas risquer d'abîmer le droit, dont je ne me servais que dans de rares occasions, je préférais avoir recours à la persuasion, à l'intimidation, à des interrogatoires interminables, à la menace de m'en prendre aux familles. Je n'avais aucun remords. J'avais affaire à des ennemis du peuple, des porcs, des chiens enragés, des saboteurs, des dégénérés. Un matin, vers le milieu des années 30, alors que je commençais à me dire qu'il me serait impossible de faire face à des tâches supplémentaires, je travaillais tard dans la nuit et dormais mal. Je rêvais souvent de mes parents et de mes sœurs en train de se décomposer dans leur tombe. Et mon bras gauche me faisait constamment souffrir. J'arrivais à mon bureau, parcourus la liste des arrestations de la nuit, que l'un de mes secrétaires plaçait toujours sur ma table de travail, et y vit un nom qui me parut familier. Vérification faite, c'était bien cette personne dont il s'agissait. Un membre éminent du comité central. Mais il n'était pas le premier de cette auguste assemblée à être arrêté. C'était Sémion, mon ancien chef de brigade. Et c'était à moi de m'en occuper. « Eh bien, » dis-je une fois que les gardiens qui me l'avaient amené furent repartis. Je lui tendis la main. Il me regarda fixement, cligna des paupières et plissa ses yeux bruns et froids. Il me serra la main d'un geste hésitant. Il avait les doigts glacés. Il me considéra avec attention. Un profond sillon se creusa entre ses minces sourcils. Je me demandais ce que vous étiez devenu. Quelle surprise de vous voir ici. Asseyez-vous. Il prit une chaise et s'y assit avec raideur. Il paraissait avoir mal au dos et se tenait très droit. Les mains sur les genoux. Il avait grossi. Son visage jadis long et maigre s'était alourdi. Et il avait un début de double menton, ainsi qu'une bedaine naissante. Il avait conservé quelque chose de cette ferveur du néophyte qui lui était propre, à l'époque où nous combattions ensemble dans l'armée rouge, mais à peine perceptible aujourd'hui, dissimulé sous une expression de défi indécise, destinée à masquer l'incrédulité, le sentiment d'impuissance, le désespoir qui envahissait tous les prisonniers qu'on amenait ici, comme pour dire « c'est sûrement une erreur, Il y a sûrement eu une confusion quelque part dans les circuits bureaucratiques. Vous n'allez sûrement pas tarder à trouver l'erreur et à me relâcher. » Il portait un costume gris, une chemise, mais pas de cravate. Son veston était déjà froissé et son pantalon chiffonné. Il perdrait rapidement du poids. Ses vêtements flotteraient sur lui. Il serait obligé de tenir son pantalon avec les mains parce qu'on lui aurait confisqué sa ceinture. Il deviendrait une coquille vide, un sac d'os, comme ces paysans que j'avais rencontrés au cours de ma mission une dizaine d'années plus tôt et dont je voyais parfois en rêve les yeux noirs et les visages affamés. « Peut-être pourriez-vous me faire avoir une cigarette ?» dit-il, très raide sur sa chaise. J'étais perché sur le bord de ma table, les jambes croisées. « Il n'est pas permis de fumer dans les bureaux. » Son regard courut sur les murs vert pâle, la fenêtre close, le linoléum. « S'il vous plaît, dites-moi de quoi exactement je suis accusé. Vous êtes bien placé pour savoir que je ne peux pas vous le dire. Je n'ai rien fait de mal. » D'autres en décideront. Je ne suis pas chargé de votre procès. » Il ferma les yeux, prit une grande respiration, mais resta toujours parfaitement immobile sur sa chaise. Sa bouche se crispa et s'effaça de son visage, ne laissant subsister qu'un mince trait. Il rouvrit les yeux. « Vous n'avez aucun pouvoir ici ?»« Quel pouvoir peut avoir un commandant ?»« Je le répète, je n'ai commis aucun crime. » « Allons, camarade. Soit je vous crois, soit je crois le camarade Iossif Vissarionovitch. À votre avis, qui vais-je croire ?» Maintenant, il tremblait, très nettement. Je le revoyais sur son cheval, entraînant ses hommes au combat pour la défense de notre cause. Membre influent du comité central, hier. Et aujourd'hui, un traître qu'on allait interroger et contraindre aux aveux, par tous les moyens. « Frappez, frappez, frappez encore !» avait ordonné Iossif Vissarionovitch à plusieurs reprises, pour des cas comme le sien. On m'avait communiqué par téléphone la liste des forfaits imputés à cet ennemi du peuple. Déviationnisme petit bourgeois, opposition trotskiste, appartenance à une organisation terroriste, espionnage pour le compte de la Pologne, complot pour assassiner le chef de l'État. Il serait sans pitié. Il savait ce qu'il attendait. Il passa une main tremblante sur ses cheveux en brosse. « Écoutez, dit-il tout à coup, j'ai une femme et des enfants, un garçon et une fille. Je vous supplie de les épargner. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû apprendre que je l'avais appelé le camarade Le Grêlé. Il est possible que j'ai raconté récemment cette histoire à un ami, après avoir bu un peu trop de vodka. C'est ce qui s'est passé, j'en suis sûr. Sinon c'est incompréhensible. Personne ne peut lui être plus fidèle que je l'étais, que je le suis. » Je le regardais sans rien dire. « Écoutez-moi, camarade commandant, demandez-leur si quelqu'un peut me promettre que ma femme et mes enfants seront épargnés. Je dirai n'importe quoi, je signerai n'importe quoi si on me donne cette assurance. » « Je le leur dirai. Dites-leur, s'il vous plaît, que je suis tout dévoué au camarade Iossif Vissarionovitch et tout dévoué au parti, quoi qu'il m'arrive. Rien ne doit faire obstacle au parti. » « Je le leur dirai. » Il y eut un silence. Je sonnai les gardiens qui vinrent le chercher. J'appelai le colonel Razumkov par le téléphone interne. Je n'ai aucun pouvoir en ce qui concerne sa femme et ses enfants, mais je ne veux pas entendre parler de l'amour qu'il leur porte. Il y a des choses qu'il doit dire et faire, et il les dira et les fera, même s'il faut pour ça lui enfoncer 20 aiguilles dans le cul. C'est compris ? Oui, camarade colonel. Il raccrocha. Il fallut un certain temps pour que mon bras gauche cesse de me lancer. Deux ou trois ans plus tard environ, on commença à arrêter des officiers de la marine et de l'armée rouge. J'eus à m'occuper d'un certain nombre de généraux, des individus solides et aguerris qui se croyaient taillés à résister à un interrogatoire. Pour certains d'entre eux, nous utilisions la méthode dite de la chaîne, c'est-à-dire que des équipes se relayaient pour interroger l'inculpé plusieurs jours de suite, sans interruption. Généralement, il suffisait d'une ou deux semaines pour leur faire avouer les crimes qu'on leur reprochait. Et ensuite, ils s'accusaient eux-mêmes devant le tribunal. En 1941, à peu près au moment où les Allemands envahirent l'URSS, les arrestations avaient pratiquement cessé. À cette époque, j'étais devenu colonel. Depuis plusieurs semaines, nos services recevaient des dépêches confidentielles de nos agents à l'étranger et de plusieurs autres sources sûres, ainsi que de nos ambassades et de nos officiers de terrain, disant que les troupes allemandes étaient en train de se masser le long de notre frontière occidentale. Nous savions que les avions de reconnaissance de la Luftwaffe survolaient constamment notre frontière et photographiaient nos terrains d'aviation. Les services secrets britanniques nous répétaient qu'Hitler projetait une invasion pour le mois de juin. Mais nous étions en paix avec les Allemands. Des touristes arrivaient régulièrement de Berlin par des vols commerciaux pour visiter Moscou, tandis que des navires et des trains chargés de vivres et de matières premières partaient de nos ports et de nos sites d'exploitation à destination de l'Allemagne. Je ne comprenais pas pourquoi Staline avait conclu un pacte de non-agression avec Hitler, l'ennemi juré du communisme. Ou alors c'est qu'il pensait que les Allemands et les Anglais allaient s'épuiser mutuellement à se faire la guerre et que nous sortirions de cet affrontement comme la puissance dominante de l'Europe. Ces insistantes mises en garde étaient à chaque fois contredites par des ordres explicites venus d'en haut, nous enjoignant de ne faire absolument rien qui pût être interprété comme une provocation, même la plus insignifiante, à l'égard des Allemands. Le pays se trouvait dans une situation difficile. Un grand nombre de maréchaux et de généraux avaient été fusillés sur ordre de Staline. La plupart des officiers chargés de la formation étaient morts ou internés dans des camps de travail. Nos régiments stationnés aux frontières s'étaient retirés. Place Dzerzhinsky, nous étions à peu près sûrs de ce qui se tramait. Les Allemands se préparaient à nous attaquer. Mais on nous avait dit « pas de panique, le patron est au courant ». À Moscou, au début des années 40, on trouvait de bons restaurants et même quelques boîtes de nuit. À la suite d'une chaude soirée de juin, passée avec une femme, j'étais rentré chez moi un peu après minuit, rassasié et de bonne humeur. Pourtant, j'ai dormi mal, me réveillant fréquemment pour sombrer à nouveau dans un sommeil troublé par des rêves. Je me réveillais avec un sentiment de terreur. Quelqu'un cognait à ma porte. On venait m'arrêter. J'allais ouvrir, c'était mon chauffeur. Un jeune rouquin d'une vingtaine d'années, originaire d'un village au sud de Leningrad. Il laissa retomber son bras et rougit violemment. « Mes excuses, camarade colonel, ils ont essayé de vous téléphoner sans réussir à vous joindre. J'ai reçu l'ordre de vous réveiller. » Il m'annonça que l'armée allemande était en train de franchir la frontière et que nous étions en guerre. Tous les chefs de service devaient se rendre sans délai à leur bureau place Dzerzhinsky. Un proverbe russe dit « Chaque jour tire un enseignement du jour qui le précède, mais jamais un jour n'enseigne quoi que ce soit à celui qui le suit. » Quel calvaire nous avons vécu au cours des semaines qui suivirent. 3 millions de soldats marchaient sur nous. Des Allemands, des Roumains, des Hongrois, des Italiens, des Finlandais. Avec des milliers d'avions, de chars et de pièces d'artillerie. Leurs forces étaient réparties en 3 gigantesques armées. Celle du nord devait prendre Leningrad, celle du centre, Moscou, celle du sud, Rostov, la Crimée et les gisements de pétrole du Caucase. Quand les Allemands attaquèrent, l'infâme tyran n'était pas à Moscou mais dans sa datcha de Kountsevo. Quant au camarade Jdanov, le chef de Leningrad, vers laquelle les armées ennemies avançaient sans rencontrer le moindre obstacle. Il était en vacances en Crimée, sur les bords de la mer Noire. Dans le bureau de la place Dzerzhinsky, une rumeur commençait à filtrer après 4 jours de silence de la part des dirigeants. Staline avait regagné Moscou pour assister à un briefing du commissariat à la défense, rue Frunze. Saisi de stupeur en apprenant que la totalité de notre front central s'était désintégrée, il avait ensuite laissé éclater sa colère et s'était répandu en injures avant de quitter la salle de réunion la tête basse et le dos courbé, tel un paysan se recroquevillant devant un bras qui se lève pour le frapper. Enfin, il était monté dans sa voiture pour retourner chez lui. Depuis, il se cachait dans sa datcha, en proie à un mortel désespoir et ne sachant plus quoi faire, abruti par la vodka, Il s'attendait à être arrêté d'un instant à l'autre pour n'avoir tenu aucun compte des avertissements, pour n'avoir pas su deviner les intentions d'Hitler, et pour avoir commis une énorme erreur politique. Le Politburo essayait d'empêcher la désagrégation du pays. Puis le bruit courut que le ministre des Affaires étrangères s'était rendu à la datcha de Staline, avec deux ou trois membres du Politburo, pour le supplier d'instaurer un comité de défense de crise dont il serait lui-même le président. Retrouvant aussitôt son assurance, Staline avait regagné le Kremlin. C'est ainsi que quelques jours plus tard, nous entendîmes sa voix tranquille à la radio. Camarades citoyens, combattants de notre armée et de notre marine, frères et sœurs, je m'adresse à vous, mes amis. Le camarade Staline nous avait appelés ses amis. Stupéfaction. Il dressa la liste de ce que nous avions abandonné aux Allemands. La Lituanie, la Lettonie, la Russie blanche occidentale, une grande partie de l'Ukraine. Il ajouta que notre pays courait un très grave danger. Tout ce qui était transportable devait être déménagé à l'Est. Ce qui ne l'était pas, brûlé ou détruit, chaque fois que la retraite se révélerait inévitable. Il ne devait pas y avoir de répit dans la lutte contre l'ennemi allemand. La ville voisine de mon village, aux mains des Allemands, des soldats et des chars allemands profanant la fosse commune anonyme où reposaient mes parents, mes sœurs, le rabbin et les autres habitants du village. De lourdes bottes allemandes piétinant leurs ossements. Pas de repos pour moi non plus. À Moscou, il faisait lourd et chaud. De longues journées, des nuits courtes. Une atmosphère tendue, silencieuse. Pendant la journée, nous accomplissions notre tâche. La nuit, tout était plongé dans le blackout. On avait l'impression que la totalité de la population se tenait à l'écoute, dans l'attente de la première rumeur annonçant l'arrivée des chars et de l'artillerie. Début septembre, on commença à évacuer les enfants de moins de 12 ans. Quelques jours après, nous apprîmes que l'armée allemande du Nord avait achevé l'encerclement de Leningrad par la terre. Puis Kiev tomba. Nous y perdîmes 5 de nos armées, plus d'un demi-million d'hommes. La nuit, dans mon lit, j'écoutais la ville, le silence, l'obscurité, des millions de moscovites dans l'attente, qui retenaient leur souffle. 3 semaines plus tard, l'ordre fut donné de démonter les usines pour les déménager à l'Est. Puis le gouvernement quitta Moscou, pour se réfugier à Kouïchev, à près de 800 kilomètres à l'Est. Toutefois, Staline demeura dans la capitale et établit son quartier général dans la station de métro Maïakovski, véritable grotte de marbre. C'est une chose à porter à son crédit. Il aurait pu partir avec les autres, mais il choisit de rester. Je m'étais personnellement porté volontaire pour partir au front en tant que commissaire politique, et mon chef avait transmis ma demande au ministre. Mais celui-ci m'adressa l'un de ses minces sourires en disant qu'il avait besoin de moi auprès de lui et que j'aurais bientôt beaucoup de travail. Je commençais à comprendre ce qu'il avait voulu dire quand on se mit à arrêter des officiers de haut échelon sur le front occidental où les Allemands avaient fait une percée. Ils étaient accusés d'avoir pris part à un complot militaire contre Staline. C'était le docteur Roubinoff de Chaim Potok. Traduction, Martine Leroy-Battistelli. Troisième épisode. Avec Nicolas Struve, Léon Chertoff. Découpage, Catel Guillou. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmond, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Michel Sidoroff.